« Et mon amoureux ?» dit la cousine bête à Hortense quand elle fut revenue. « Vous ne m'en parlez plus ?»« À propos, que devient-il ? » dit Hortense. « Car il est célèbre. Tu dois être contente » ajouta-t-elle à l'oreille de sa cousine. « On ne parle que de monsieur Wenceslas Steinbock. »« Beaucoup trop !» répondit-elle à haute voix. « Monsieur se dérange !» S'il ne s'agissait que de le charmer au point de l'emporter sur les plaisirs de Paris, je connais mon pouvoir. Mais on dit que pour s'attacher à un pareil artiste, l'empereur Nicolas lui fait grâce. « Ah bah !» répondit la baronne. « Comment sais-tu cela ? » demanda Hortense, qui fut prise comme d'une crampe au cœur. « Mais !» reprit l'atroce bête, « une personne à qui il appartient par les liens les plus sacrés, sa femme, le lui a écrit hier. Il veut partir. Ah, il serait bien bête de quitter la France pour la Russie. » Hortense regarda sa mère en laissant sa tête aller de côté. La baronne n'eut que le temps de prendre sa fille évanouie, blanche comme la dentelle de son fichu. « Lisbeth, tu m'as tué ma fille !» cria la baronne. « Tu es née pour notre malheur !» « Ah ça, quelle est ma faute en ceci, Adeline ?» demanda la Lorraine, en se levant et prenant une attitude menaçante, à laquelle, dans son trouble, la baronne ne fit aucune attention. « J'ai tort, » répondit Adeline en soutenant Hortense. « Sonne !»